طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours numéro 31 dans l'explication du livre Al-Fatwa Al-Hamawiyya, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah, avec les explications et les commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan dans son livre qui s'intitule Al-Ta'liqat Al-Tawdihiyya ala Muqaddimat Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Et donc aujourd'hui ce sera la fin du livre, ou bien plutôt de l'explication des commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan, puisqu'on est arrivé à la fin de l'explication du Cheikh Saleh Al-Fawzan. Mais on va continuer quand même de lire le charh de Al-Fatwa Al-Hamawiyya, sauf qu'on va continuer avec les commentaires de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz et les commentaires de Cheikh Saleh Al-Sheikh dans le charh qu'ils ont fait de ces livres-là. Parce que Cheikh Saleh Al-Fawzan, il a fait le charh de Al-Fatwa Al-Hamawiyya, mais la partie qui a été publiée, c'est seulement la partie jusqu'à l'introduction, c'est-à-dire jusqu'à qu'est-ce qu'on a lu, et il reste quelques lignes encore, quelques paragraphes, mais sinon ça finit dans quelques paragraphes. Donc il n'a pas fait publier tout le charh au complet. Tandis que Cheikh Abdelaziz Ibn Baz et Cheikh Saleh Al-Sheikh, leur charh est publié au complet. Donc on pourra en profiter, Inch'Allah, et lire ensemble qu'est-ce qui a été clarifié dans ces charhs, dans ces explications-là. Puis aussi on pourra profiter quand même des commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan quand même dans la suite, parce que il a dans les cours audio fait la suite aussi. Il a expliqué une plus longue partie que qu'est-ce qui est publié. Donc de temps en temps, lorsque il y a des points bénéfiques, on peut les rajouter à partir des explications que le Cheikh Saleh Al-Fawzan a donné dans son audio, puis aussi les commentaires de Cheikh Mohamed Aman Al-Jami dans son charh aussi audio de ce livre. Et son charh, le charh de Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, c'est également un des meilleurs shurouh, un charh très très très bénéfique. Donc on commence à partir de l'endroit où on a laissé au dernier cours. On avait expliqué les trois définitions de du mot ta'wil, ou du terme ta'wil, et on a expliqué les trois définitions. Ma'na ta'wil, la signification du ta'wil, on a expliqué que la première, c'était la définition des gens de kalam, et que c'est une définition qui est innovée, et que ça signifie pour eux de détourner le mot de la signification la plus connue, la plus apparente, vers une autre signification qui n'est pas la plus connue, ou la plus apparente, ou la plus correcte, mais en se basant sur une preuve Hein, et pour eux, la preuve qui est reliée à ça, c'est qu'est-ce qu'ils appellent l'aql, hein, qu'est-ce qu'ils prétendent être la raison. Et c'est-à-dire les règles et les principes de logique ou de philosophie qu'ils ont inventés, et ils se basent là-dessus pour déformer le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, ce n'est pas une preuve. Hein, bien entendu, ce ne sont pas des preuves acceptables dans la charia d'Allah, puisque la preuve doit venir soit du Coran, soit de la Sunna, et la compréhension des salafs, hein, ou bien des preuves claires de la langue arabe qui indiquent la signification du terme. Ensuite, la deuxième définition, on a dit que c'était at-ta'wil dans le sens de tafsir. Ta'wil dans le sens de tafsir, et on a expliqué que c'est la signification de ce que les salafs employaient lorsqu'ils faisaient le tafsir des versets, et on a expliqué que l'important c'était que c'était basé sur une preuve. Il fallait que ce soit basé sur une preuve, soit par rapport au contexte du verset, ou bien soit par rapport à des preuves qui sont rapportées soit dans d'autres versets dans le Coran, ou bien dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, on appelle ça aussi ta'wil. Et ça, c'est une signification qui est correcte, acceptable, et que les salafs utilisaient. Et la troisième définition du terme ta'wil, on a expliqué que c'est dans le sens de haqiqatu shay, ou haqiqatu al-haqiqa allati ya'ulu ilayha al-kalam, ou shay. C'est-à-dire la réalité d'une chose, la réalité vers laquelle cette chose-là se dirige ou converge. Donc, d'interpréter dans ce sens-là, de faire le ta'wil, ça veut dire la réalisation de quelque chose. Comme lorsqu'on parle, par exemple, de la réalisation d'un rêve. Lorsque quelqu'un fait un rêve, il voit quelque chose dans le rêve, et que qu'est-ce qu'il a vu dans le rêve se réalise dans la réalité, on dit que son rêve s'est réalisé. Donc c'est dans ce sens-là qu'on peut utiliser. On peut utiliser le terme ta'wil dans ce sens-là, ou bien le terme ta'wil aussi, par exemple, la réalité de quelque chose, comme la réalité des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien la réalité de qu'est-ce qui va se passer au jour de la résurrection, la réalité de qu'est-ce qu'il y a dans le paradis et dans l'enfer. Toutes ces choses-là sont des choses que lorsqu'on va les voir, lorsqu'elles vont se produire, ce sera le ta'wil de ces choses. Ce sera le ta'wil de ces choses-là, c'est-à-dire la réalisation concrète, et on va voir réellement ces choses-là à ce moment-là. Naam. Donc ça, c'est quelques significations. Les trois significations qu'on a mentionnées, c'est les trois significations les plus connues. Naam. Donc lorsque les salafs, par exemple, mentionnent que lorsqu'on dit qu'on croit au nom et aux attributs, il faut les affirmer, mais sans faire de ta'wil, eh bien, ils veulent dire, sans faire de ta'wil dans le sens des gens de bid'ah, c'est-à-dire, qu'est-ce qui signifie, la première définition qu'on a donnée, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est en réalité une forme de tahrif, une forme de tahrif. Parce qu'il y a le ta'wil qui est correct, c'est d'interpréter le Coran et la Sunna selon les preuves. Et ça, c'est un ta'wil qui est sahih. Et il y a le ta'wil qui est fasid, qui est batil. Et c'est de déformer le sens des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a donné des exemples en parlant du verset 7 dans Surat Al-Imran, et on a expliqué les deux endroits où on peut s'arrêter. On a expliqué qu'on peut s'arrêter à lafdul jalala, ولا يعلم تأويله إلا الله. Et on a expliqué que dans ce sens-là, ça voulait dire la troisième définition du terme ta'wil, c'est-à-dire la réalité des noms et des attributs. Personne qui la connaît excepté Allah, parce que c'est le commun des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et personne connaît le commun excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que si on s'arrête à ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم, si on s'arrête à ilm, convient, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on parle du tafsir. Du tafsir, et c'est-à-dire du tafsir dans la façon que les salafs l'utilisaient, c'est-à-dire la signification des versets, qui est basée soit sur le contexte du verset, ou bien soit sur les preuves du Coran et de la Sunna qui clarifient ces choses-là. Et on parle, quand on parle des noms et des attributs, eh bien, dans ce sens-là, on parle de la signification. C'est-à-dire qu'on peut tous comprendre la signification. Donc, en particulier, les rasikhouna fil ilm, ceux qui sont fermement enracinés dans la science, eux, ils connaissent la signification des noms et des attributs d'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé. C'est pas quelque chose qui est exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, cette connaissance-là, puisqu'il nous l'a donné. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah, c'est ça qu'il explique maintenant, et c'est ça qu'on va lire ensemble pour terminer l'explication de cheikh Al-Fawzan. Donc il dit: فتأويل الصفات الذي لا نعرفه هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها. C'est-à-dire le ta'wil des attributs que personne ne connaît ou dont personne ne connaît la réalité excepté Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est cet ta'wil dans ce sens-là. Ta'wil dans le sens de la troisième définition qu'on a donnée, c'est dans le sens de yani al-haqiqa allati ya'ulu yani ya'ulu al-kalam ilayh. Et donc Cheikh Al-Fawzan il dit ici: ta'wil al-sifat ala hadha huwa haqiqatuha wa kayfiyatuha wa hadha la ya'lamuhu illa Allah amma ma'naha فهو التفسير فنحن نعرفه. Donc le cheikh il dit, le ta'wil des attributs dans ce sens-là, ça signifie la réalité de ces attributs-là et le commun de ces attributs. Et cela, nul ne le connaît excepté Allah seul. Tandis que la signification des attributs, c'est-à-dire que ça signifie le tafsir. Et ça, bien entendu, on le connaît. On connaît la signification des noms et des attributs puisque ce sont des noms et des mots en arabe qui sont connus par tous les arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit: wa huwa al-kayf al-majhul alladhi qala fihi as-salaf. Donc il a dit que la réalité que seul Allah connaît, c'est le kayf, c'est-à-dire le commun qui est inconnu, et c'est et c'est de ça que parlaient les salafs. C'est de cela que parlaient les salafs, c'est-à-dire du commun. Et c'est de ça qu'ils disaient que c'était quelque chose d'inconnu. Comme disait l'imam Malik et d'autres également, al-istiwa ou ma'loum ou al-kayf ou majhoul. C'est-à-dire, le mot istiwa, le terme istiwa, eh bien, c'est quelque chose qui est connu dans la langue arabe, Et le commun, par contre, c'est quelque chose qui est inconnu, qui est ignoré, qu'on ne peut pas connaître. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaît. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il dit: وَلِهَذَا السَّلَفْ يَقُولُونَ الْمَعْنَى مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ أَنَّ مَعْنَى الصِّفَاتِ مَعْلُومٌ لَنَا وَأَمَّا كَيْفِيَتُهَا فَهِيَ مَجْهُولَةٌ كما قاله الإمام مالك رحمه الله وكما قال مالك وربيعة وأم سلمة وغيرهم من السلف. Donc le cheikh il dit, et c'est pour ça donc que c'est une règle, les salafs disaient la signification est connue mais le commun est ignoré, et ça c'est une grande règle que les salafs utilisaient et mentionnaient. On en a parlé au dernier cours et dans les cours aussi précédents, et on dit que donc la signification des noms et des attributs, on les connaît. On connaît la signification, mais ce qu'on ne connaît pas, c'est le commun. Comme l'a dit l'imam Malik et d'autres également, comme Rabi'a, qui était le cheikh de l'imam Malik, et Salama, qui est une des mères des croyants, une des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, par rapport à la parole de l'imam Malik, l'istiwa au ma'loum, ou al-kayf au majhoul, ou l'iman au bihi wajib, ou al-su'al anhu bid'a, on la retrouve dans plusieurs références, dans les livres des salafs. Par exemple, le livre de Usul i'tiqad Ahl-Sunnah wal-Jama'a, de l'imam al-Lalaka'i. Ça, c'est un des livres où on retrouve cette parole. Il y a également al-Aswa al-Sifat, écrit par l'imam al-Bayhaqi. Et il y a également un autre livre qui s'appelle Al-I'tiqad et un livre d'Abu Naïm dans, yani, écrit par Abu Naïm, c'est Al-Hilya qui mentionne cette parole aussi. Et également l'imam al-Dhahabi dans Siyara Alam al-Nubala, on retrouve cette parole. Et aussi dans le livre de l'imam al-Dhahabi aussi, qui s'intitule Al-Ulu. Donc dans toutes ces références là on retrouve cette parole de l'imam Malik avec les chaînes de transmission authentiques qui mentionnent et qui prouvent clairement que ce charh est correct et que c'est la parole réelle de l'imam Malik et de d'autres parmi les salafs également. Mais aussi il y a une explication qui a été faite et une étude qui a été faite de ces transmissions-là de la part de l'imam Malik, et je pense que c'est le Cheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad qui a écrit sur ce sujet-là. Il a ramené donc toutes les différentes narrations de cette parole de l'imam Malik et il les a expliquées. Et c'est très très intéressant et très bénéfique aussi. Ensuite, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى. Cheikh l'Islam, il dit donc que l'istiwa, il est connu, c'est-à-dire on connaît sa signification, on connaît ce que ça signifie, son interprétation, et on peut le traduire dans une autre langue. On peut également le traduire dans une autre langue. C'est-à-dire, ce mot-là, istiwa, on peut traduire en une autre langue aussi. Cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit, قولهم الاستواء معلوم أي يعلم معناه فاستوى على العرش يعني على عليه وارتفع عليه واستوى الزرع على سوقه يعني ارتفع سنبله على قصبه فمعناه العلو والارتفاع وهذا معناه في اللغة ولكن كيفية استواء الله على عرشه مجهولة لنا ونحن نقول استوى على العرش يعني على وارتفع على العرش وكيفية استوائه لا يعلمها لأنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ويترجم أي ينقل من اللغة العربية إلى لغة أخرى لأنه معروف لو كان غير معروف ما أمكنت ترجمته. Donc le Cheikh il explique, il dit نعم. Donc le Cheikh il explique ici, il dit que la parole des salafs, c'est de dire que al-istiwa, le mot istiwa, c'est quelque chose qui est connu. C'est connu dans la langue arabe. On sait qu'est-ce que ça signifie. Et istawa ala al-arsh, ça veut dire quoi? Ça veut dire ala alayhi, c'est-à-dire s'élever au-dessus. Hein? Irtafa'a alayhi. Irtafa'a et ala, les deux ont la même signification, c'est-à-dire d'aller au-dessus de quelque chose ou de monter par-dessus de quelque chose ou de s'élever au-dessus de quelque chose, c'est toujours dans le sens d'être plus haut, de monter au-dessus de quelque chose ou d'être plus haut que quelque chose. Donc il dit wastawa az-zar' ala souqihi. Donc si tu dis par exemple que la semence a monté sur sa tige, ou s'est élevé sur sa tige, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle a poussé, elle s'est élevée. Hein? Donc, c'est comme si tu dis que hein, l'épi a poussé sur sa tige. Ça veut dire de monter ou de s'élever. Ça, c'est sa signification linguistique. Hein? Ça, c'est mentionné dans le Coran, dans sourate, si je ne me trompe pas, c'est dans sourate Muhammad, le dernier verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des sahaba, il les compare à plusieurs exemples, il les compare à yani, il dit wa mathaluhum fit tawrat ka zar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a li yaghidha bihim al-kuffar fastaghladha fastawa 'ala suqihi Stawa ala souqi. Donc il parle de la semence ou de la pousse. Quand elle sort de terre, elle s'allonge hein, et elle se dresse sur sa tige. Hein? Donc ça c'est dans ce yani, ça c'est dans le sens par rapport le sens linguistique par rapport à une plante. Hein? Ça c'est un exemple par rapport à une plante. Cheikh il a donné cet exemple-là, mais il y a d'autres exemples dans le Coran dans lequel on utilise le verbe istawa dans le sens linguistique. Comme par exemple, yani, nitastawu ala dhuhurihi, thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum alayhi wa taqulu subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu bimuqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Donc ça c'est un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le verbe istawa pour dire par exemple lorsqu'on monte sur yani par-dessus la monture hein, sur le dos de la monture. Donc on monte sur le dos de la monture, ça veut dire yani, c'est ça la signification d'istawa, le verbe istawa ça veut dire ça hein. Et quand on dit ar-rahmanu 'ala al-'arsh istawa ou bien thumma istawa 'ala al-'arsh, c'est-à-dire que Allah s'est élevé sur le trône, ou bien ça a la même signification, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur le trône, il est monté sur le trône, hein, au-dessus du trône. Sauf que le cheikh explique, il dit, mais le commun, on ne sait pas, hein, on ne sait pas le commun. Et il dit, donc, il dit, نقول, نحن نقول, استوى على العرش, يعني على وارتفع على العرش. Donc quand on dit il a استوى, Allah subhanahu wa ta'ala il a fait استوى على العرش, ça veut dire qu'il s'est élevé et il est monté au-dessus du trône. Mais le commun, comment il l'a fait, on ne le sait pas. Parce que personne ne le sait excepté lui. Et on a le droit de traduire cette parole et de la traduire, c'est-à-dire de la traduire de l'arabe à une autre langue, parce que justement on connaît sa signification. Si c'était quelque chose qui n'était pas connu, c'est-à-dire si c'était un mot qui était inconnu en arabe, que personne connaissait sa signification, là on n'aurait pas pu le traduire parce que c'était un mot inconnu. Hein. C'est comme si par exemple c'était un mot par exemple dans une autre langue que personne connaît sur terre, un mot dans une langue que personne connaît sur terre, que personne n'est capable de traduire. Donc tu vas dire par exemple istawa, tu dis à quelqu'un qui est arabe, tu dis istawa dans la langue arabe, est-ce que ça existe? Il te dit non, ça n'existe pas, ce mot-là il n'y en a pas, hein? Et tu regardes dans les dictionnaires, il n'y a aucune définition, ça veut dire que ce mot-là il n'existe pas, c'est peut-être un mot d'une autre langue, ou bien d'un autre pays, ou d'une autre origine. Hein, dans ce cas-là, tu dis, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est seulement Allah qui sait ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Hein, la réalité, c'est que non. C'est un mot arabe qui est connu, qui était connu même avant l'islam, que les Arabes utilisaient et employaient pour décrire ou expliquer quelque chose lorsqu'elle monte au-dessus d'une autre. Hein. Donc ça, c'est sa signification dans la langue arabe. Maintenant, quand on parle de ce, on l'utilise pour décrire Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est bien entendu en niant la ressemblance avec la création et en affirmant l'attribut. et en disant, oui, on connaît la signification de la tribu, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a parlé dans la langue arabe, dans le Coran, il nous a révélé ce, ce verset, dans un Coran qui est dans un arabe pur et clair, et donc on sait ce que ça signifie. Par contre, qu'est-ce qu'on ne sait pas? C'est le comment. Hein? C'est seulement Allah qui sait le comment. فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. Donc le comment, c'est seulement Allah qui le connaît. C'est le ta'wil que seul Allah connaît. Ensuite, le Cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit, يعني على هذا على هذا يكون الوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم. C'est-à-dire لا يعلمه, يعني le ta'wil que Allah connaît ainsi que les راسخون في العلم. C'est la signification. C'est la signification. Donc ça c'est lorsqu'on parle de al-ma'na. Toutefois, si on parle de du comment, eh bien ça c'est yani la connaissance que seul Allah connaît. Donc ça c'est quand on s'arrête, on met le point à illallah. Hein? Wala ya'lamu ta'wilahu illallah. On s'arrête ici, ça veut dire c'est dans le sens de yani al-kayf. On parle du comment. Parce que c'est seulement Allah qui connaît le comment. Ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne, il dit, وَقَدْ رُوِيَ عَنْ Ibn Abbas رضي الله عنهما مَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقُ مَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقُ وَغَيْرُهُ فِي تَفْسِيرِهِمْ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهُ تَفْسِيرٌ تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ مِنْ كَلَامِهَا وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل من الدعاء من ادعى علمه فهو كاذب وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل من ادعى علمه فهو كاذب. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit que ça, ça a été rapporté par Ibn Abbas et radiyallahu anhuma, et il mentionne ensuite ce que l'imam Abdul Razzaq al-San'ani a rapporté. Il dit que ça a été rapporté par Abdul Razzaq et d'autres dans leur tafsir qu'il a dit, le tafsir du Coran est de quatre façons, ou de quatre, sur quatre plans. Donc il mentionne quatre exemples de tafsir et les quatre, si on veut, quatre degrés de tafsir, hein, d'interprétation du Coran. Donc il y a un degré de tafsir, il y a un niveau de tafsir, tous les Arabes le connaissent par rapport à leur, leur langue. Hein, tous les Arabes le connaissent parce que ça fait partie de leur langue. Le deuxième, c'est le tafsir que personne n'est excusé d'ignorer. Personne n'est excusé d'ignorer. Le troisième, c'est tafsir ya'lamuhu al-ulama. Troisième, c'est-à-dire le tafsir que seuls les ulama connaissent. Et le quatrième, c'est le tafsir que seul Allah connaît. Et celui qui prétend le connaître, il est menteur. Celui qui prétend le connaître, il est menteur. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit la ya'ni. Le premier exemple, tafsir ta'rifuhu al-arab min kalamiha, c'est-à-dire un tafsir que les Arabes connaissent par rapport à leur langue et leurs paroles, il dit ay min lughatiha allati tatakhatabu biha, li'anna al-Qur'an nazala biha. C'est-à-dire ils le connaissent par rapport à leur langue du fait qu'ils parlent. Hein? Ils parlent dans cette langue-là et le Qur'an est descendu en arabe. Le deuxième exemple, le tafsir que personne n'est excusé d'ignorer, c'est, il dit le cheikh, يعني التفسير الذي لا يعذر أحد بجهله مثل التوحيد والشرك والصلاة والصيام وتحريم الربا وتحريم الزنا وتحريم الميتة وتحريم الخمر وهذه أشياء ظاهرة لكل أحد. Donc le cheikh il dit, il il y a un tafsir donc que personne n'est excusé d'ignorer, comme par exemple le tafsir et l'explication de qu'est-ce que signifie le tawhid ou qu'est-ce que signifie le shirk, ou le tafsir de la salat et du jeûne, ou le tafsir de riba, c'est-à-dire l'intérêt, les intérêts bancaires, les intérêts sur les prêts, et tahrim zina, tahrim zina, l'interdiction de la fornication et de l'adultère, tahrim al-mayta, c'est-à-dire l'interdiction de la viande qui est morte, hein, qu'on n'a pas égorgée, tahrim al-khamar, c'est-à-dire l'interdiction du vin et de l'alcool, tout ce qui est intoxicant. وهذه أشياء ظاهرة لكل أحد حتى العوام. Cheikh, il dit que ça, c'est des choses apparentes et connues, même pour les gens qui font partie du commun des musulmans, qui ne sont pas savants ou qui n'ont pas étudié la religion. Ils savent ces choses-là, yani, parce que c'est des choses qui sont apparentes et connues. Ensuite, le Cheikh, il dit, وتفسير يعلمه العلماء, le tafsir que les ulama seulement connaissent, c'est-à-dire le Cheikh Al-Fawzan, il dit, لا يعرفه العوام لأنه يحتاج إلى تعلم. C'est-à-dire le commun des musulmans qui n'a pas fait d'études islamiques, qui ne connaît pas, il ne connaît pas ces significations-là, parce que c'est, il y en a des interprétations ou des significations qui nécessitent de l'apprentissage. Si tu n'as pas étudié, tu ne peux pas le connaître. Et également, تفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل ومن ادعى علمه فهو كاذب. Ça, c'est la quatrième catégorie, c'est-à-dire le tafsir que seul Allah connaît, et que si quelqu'un prétend le connaître lui aussi, c'est un menteur. Et il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet, الذي لا يعلمه إلا الله هو كيفية الأسماء والصفات وكيفية ما في الجنة وكيفية ما في الآخرة هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ومن ادعى علمه فهو كاذب. Donc le Cheikh, il dit ici que yani, la science que seul Allah connaît, c'est le commun des noms et des attributs, le commun yani, de ce qui est dans le paradis aussi, ou le commun de ce qui est dans l'au-delà. Donc tout ça, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît ces choses-là, la réalité de ces choses-là. Et celui qui prétend les connaître, alors c'est un menteur, mais il a menti. Ensuite, le Cheikh, il mentionne un verset que Cheikh Ibn Taymiyyah a cité. Et le verset, c'est le suivant. قال كما وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. C'est-à-dire, il y a aucune âme qui sait qu'est-ce qui a été caché pour eux comme délice, comme plaisir, yani, comme récompense pour ce qu'il faisait. Hein? C'est-à-dire par rapport au plaisir et au délice qu'il y a dans le paradis. Il n'y a personne qui sait qu'est-ce qui est exactement préparé pour les mu'minines dans le paradis. Cheikh Al-Fawzan, il dit, أي لا يعلم كيفية ما أعد الله لعباده المؤمنين في الجنة إلا الله. ولكن الله أعطانا أشياء نعرفها مجملة مثل الفاكهة والحرير والعسل فالعسل معروف عندنا ولكن عسل الجنة ليس مثل عسل الدنيا اللبن عندنا موجود ولكن اللبن في الجنة ليس مثل لبن الدنيا. Donc le Cheikh, il donne des exemples de ça. Il dit, on ne connaît pas le commun de ce que Allah a préparé pour les serviteurs croyants dans le paradis, par exemple. Ça, il n'y a personne qui le connaît, excepté Allah. Et donc, يعني le cheikh explique que mais Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné des choses, yani il nous a donné des choses qu'on connaît de façon générale, hein, de façon yani générale, c'est-à-dire yani de façon, quand on dit on les connaît ces choses-là, c'est-à-dire on les connaît de façon partielle, hein, c'est pas, on n'a pas, on n'en a pas une connaissance parfaite de, du fait qu'on sait comment elles sont dans la dunya, mais ça ne veut pas dire qu'elles seront exactement comme ça dans le paradis. Comme par exemple, on sait que dans le paradis, il y a des fruits. On sait que dans le paradis, il y a de la soie. On sait que dans le paradis, il y a du miel. Et le miel, c'est quelque chose qu'on connaît. Mais le miel du paradis, ce n'est pas le même miel que le miel de la dunya. Et le lait de cette vie qu'on boit maintenant, c'est pas le même lait que le lait qu'il y a au paradis. C'est un lait particulier, hein, c'est un lait qui sera beaucoup plus meilleur et parfait comparé à celui qu'on connaît dans cette vie d'ici-bas. Donc c'est pour comprendre que en fait on connaît pas la réalité de toutes ces choses qu'on va avoir dans le paradis. De la même manière qu'on peut pas connaître la réalité de yani du coma et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce sujet, yani, donc, il y a d'autres exemples qui sont cités par la suite. Il dit ensuite, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت لعباد الصالحين ما لا أعين رأت أو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكذلك علم الساعة ونحو ذلك فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وإن كنا نفهم معاني يعني معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامها إياه قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال تعالى أفلم يتدبروا القول فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. Donc le cheikh explique, il dit que Allah subhanahu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce que aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu, et ce que aucun cœur n'a jamais pu imaginer. De même que l'heure du jugement dernier, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le ta'wil que seul Allah connaît. C'est la signification du ta'wil, hein, que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Et il dit, même si on comprend yani les paroles ou les significations des mots qui nous ont été mentionnés, hein, on comprend qu'est-ce que ça signifie. Quand on entend le mot miel, on entend le mot soie, on entend le mot yani fruit, on sait qu'est-ce qu'un fruit signifie, on sait qu'est-ce que yani du miel signifie, on sait la signification de ces choses-là. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas le commun et le détail de la réalité de ces choses-là. La réalité, on l'ignore, mais on sait à peu près ce que c'est un fruit, hein, ou du miel, ou du lait, ou des choses comme ça. Et donc, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est adressé à nous, en nous parlant, donc, en utilisant ces termes-là, donc on connaît leur signification, hein, on connaît leur signification et on comprend ce qui a été voulu, hein, ou ce qu'on a voulu nous faire comprendre de cette parole-là. On comprend la signification. On comprend qu'est-ce qui nous a été dit. On comprend ce qui a voulu être ou ce qui c'était quoi le yani la on comprend ce qu'on a voulu nous faire comprendre de cette parole là de ces paroles là Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le verset 24 dans sourate Muhammad, n'ont-ils pas réfléchi sur le Coran ou bien ont-ils un cadenas sur le cœur? Donc ça c'est pour dire qu'Allah nous ordonne de réfléchir sur l'essence du Coran et d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il signifie. De même le verset 68 dans sourate Al-Mu'minun, afala yadabbaru al-qawl. Donc Allah il nous ordonne de réfléchir sur le Coran en entier et non pas de réfléchir uniquement sur une partie du Coran. Donc ça c'est très très important. Naam. Ensuite Cheikh al-Islam il dit qala Abu Abd al-Rahman al-Salimi haddathana alladhina kanu yaqra'unana aw yuqri'unana al-Qur'an haddathana alladhina kanu yuqri'unana al-Qur'an عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم آية أو آية كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. Donc Abu Abd al-Rahman al-Sulami il a dit que ceux à qui nous lisions le Coran et qui nous enseignaient le Coran, yani comme Uthman ibn Affan et Abdullah ibn Mas'ud et d'autres également, yani ils nous enseignaient, ils nous ont dit, ou bien plutôt lorsqu'ils apprenaient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils apprenaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne dépassaient pas 10 versets avant d'avoir appris, ils ne dépassaient pas 10 versets jusqu'à ce qu'ils aient su à propos de ces 10 versets-là ce qu'il y avait dedans comme science et comme pratique, comme application. Et il nous disait, nous avons appris le Coran et la science et l'application en même temps. Nous avons appris le Coran et la science et l'application ensemble. Donc, Abu Abd al-Rahman al-Sulami, il disait que ceux de qui nous étudions ou nous apprenions le Coran nous ont dit, comme Uthman ibn Affan et Abdullah ibn Mas'ud et d'autres, que lorsqu'ils apprenaient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, lorsqu'ils apprenaient le Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne dépassaient pas 10 versets jusqu'à ce qu'ils aient appris de ces 10 versets-là la science, l'application, la science et l'application. Et il disait, nous avons donc appris le Coran, la science et l'application ensemble. Il y a eu toutes ces choses-là ensemble, pas séparées. Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, ils s'en vont dans une école, ils apprennent tahfiz al-Qur'an, ils vont mémoriser le Coran en 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, ils sortent. Et ils ont mémorisé le Coran par cœur, mais ils sont complètement ignorants de la science de la charia et de la signification de ces versets-là et de la aqidah qui est dedans et du manhaj des salafs. Donc c'est des gens, ils ne font que mémoriser et ils ne savent rien d'autre, ils ne comprennent rien d'autre. Malheureusement, c'est souvent ceux-là que les musulmans prennent pour des ulama. Ils s'imaginent que le simple fait d'avoir mémorisé le Coran, ça fait d'une personne un savant. Alors que quelqu'un peut ne pas avoir mémorisé beaucoup du Coran et être un très très grand savant de l'islam. Donc c'est pour dire que l'important par rapport au Coran, ce n'est pas seulement de le mémoriser. Le mémoriser c'est important, mais le plus important, c'est pas seulement ça, c'est d'apprendre qu'est-ce qu'il y a comme signification dedans et de l'appliquer. Hein? Et tout ça, ça va ensemble. Donc, 10 versets, et ainsi de suite. C'est comme ça que les sahaba avaient appris le Coran. Et des fois, ils prenaient des années pour juste apprendre Al-Baqarah et Al-Imran. Et ils considéraient, à leur époque, que celui parmi les sahaba qui avait appris Al-Baqarah et Al-Imran, avec toute la science qu'il y a dedans et toutes les règles qu'il y a dedans, ils le considéraient parmi les savants. Ils le considéraient parmi les savants des sahaba, subhanallah. قال مجاهد, dit Cheikh l'Islam, وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته فأقف عند كل آية أسأله عنها. Donc مجاهد a dit, مجاهد c'était l'élève d'Abdullah ibn Abbas, un des savants de tafsir. Donc, il disait, j'ai lu le mushaf à Abdullah ibn Abbas de la Fatiha jusqu'à la fin. J'ai lu le mushaf de la Fatiha jusqu'à la fin. Et je l'arrêtais à chaque verset. Et je lui demandais de me l'expliquer. Hein? Je lui posais la question à son sujet. Après chaque verset. Et il dit ensuite, وقال الشعبي ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. C'est-à-dire que الشعبي, qui était un des imams parmi les salafs, il disait, il n'y a pas quelqu'un qui invente une innovation, excepté que il y a dans le Coran, dans le livre d'Allah, sa clarification. C'est-à-dire qu'il y a la clarification que c'est une bid'a et sa réfutation. Il dit, وقال مسروق ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن علمنا أو علمنا قصر عنه. ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن علمنا قصر عنه. C'est-à-dire que Masruq a dit, un des savants des salaf a dit, que les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم n'ont rien dit excepté que sa science est dans le Coran, mais notre science a été limitée d'être capable de le comprendre par rapport à sa compréhension ou à sa connaissance. Notre science, elle est limitée par rapport à ce qu'on a compris de la compréhension des sahaba. Aussi, Cheikh Al-Fawzan, il a expliqué tout à l'heure, lorsqu'on a lu, par rapport à la connaissance de l'heure du jugement dernier et des exemples de ce qu'il y aura dans le paradis, Cheikh Al-Fawzan, il a expliqué que يعني personne ne connaît la réalité. Il dit, لا يعلم حقيقة ما أعد الله. أي نعم. لا يعلم حقيقة ما أعد الله لعباده في الجنة على الكمال إلا الله. وإن أخبرهم عنها في الدنيا بأسمائها ومعانيها ولكن حقيقتها لا يعلمها إلا الله. Donc, on ne connaît pas la réalité de ce que Allah a préparé pour ses serviteurs dans le paradis de façon parfaite ou complète. Personne ne sait ça excepté Allah. Et ce qu'il nous a donné comme information dans la dunya, il nous a donné la connaissance des noms de ce qu'il y aura dans le paradis et de leur signification. Toutefois, leur réalité, personne ne la connaît excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il a dit également, wa huwa subhanahu akhbarana anna as-sa'a sataqum was-sa'a hiya nihayatu ad-dunya wa bidayatu al-akhirah walakin mata taqum Allahu a'lam la ya'lamuha nabiyyun mursal wa la malikun muqarrab fa la ya'lamu waqta qiyam as-sa'a illa Allah li'annahu laysa lana maslaha من معرفة قيامها، وإنما المصلحة في أننا نعرف أنه لا بد من قيام الساعة فنعمل لها. الشيخ يلزي que Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il y allait avoir l'heure du jugement dernier. Et l'heure du jugement dernier, c'est la fin de la dunya et le début de l'au-delà. Mais on ne connaît pas quand est-ce qu'elle va arriver. Seulement Allah le sait. Allahu a'lam. Personne ne connaît l'heure, ni les prophètes envoyés, ni les anges rapprochés. Donc personne ne connaît l'heure du jugement dernier excepté Allah, parce qu'il n'y a aucun bienfait pour nous de connaître quand est-ce qu'il va être, quand est-ce qu'elle va être. Et le bienfait pour nous, c'est uniquement de savoir que cette chose-là doit se produire, et il faut absolument que ça se produise. Également, ensuite, par rapport à ce qu'on a mentionné tout à l'heure, tout de suite avant, les paroles des salafs à propos de leur apprentissage du Coran et comment ils l'ont appris, et les paroles au sujet de la compréhension des sahaba, et comment, par exemple, Abdullah ibn Abbas expliquait chaque verset du Coran à Mujahid, et ainsi de suite. Eh bien, ça, c'est la preuve que les sahaba ont compris tout ce qui était dans le Coran, et qu'ils l'expliquaient. Ils connaissaient le tafsir du Coran au complet. Le Cheikh, il dit, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, il dit, « والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. » Donc le cheikh il dit, le but, l'objectif de ce qu'on a mentionné dans cette fatwa al-Hamawiyya, c'est en fait de mentionner et d'avertir ou d'expliquer les fondements corrompus des positions des gens d'égarement qui ont fait en sorte que ces gens-là soient dans l'égarement au sujet des questions de la science et de la foi en ce que le messager a ramené comme religion. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique ça et il dit مقصود الشيخ مما ذكر في هذه الفتوى بيان مقالات أهل التأويل وأهل التجهيل وأنها مقالات فاسدة وباطلة وهذا هو غرض الشيخ رحمه الله. Donc il dit le but du cheikh de ce qu'il a mentionné dans cette fatwa, c'est de clarifier les positions des gens de ta'wil et des gens de tajhil, des gens qui déforment le sens du Coran ou qui prétendent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ignorait leur signification, et de clarifier que ces positions là sont des positions corrompues et mauvaises et fausses. Ça, c'est l'intention du Cheikh. Et par rapport justement au verset 7 dans Surat Al-Imran, le verset qu'on a mentionné tout à l'heure, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, on a expliqué les deux significations. On a expliqué que si on s'arrête à Allah, ça voulait dire que personne ne connaît le commun excepté Allah. Puis si on s'arrête à ar-rasikhuna fil ilm, à ceux qui sont fermement enracinés dans la science, on parle là du tafsir, c'est-à-dire de l'interprétation, de la signification des attributs et des noms d'Allah, et que ça on connaît la signification. Toutefois, c'est important aussi peut-être de mentionner en même temps que pour les gens de bid'ah et les gens de ta'wil, comme les Asha'ira et les Maturidiyya et les Ahbash, eux, ils donnent une autre interprétation à ce verset-là et aux deux arrêts que les salafs ont rapportés. Donc pour eux, lorsqu'on s'arrête à وَلَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, eh bien, ils l'interprètent par le tafwid, C'est-à-dire, ils prétendent que personne ne connaît les significations des noms et des attributs d'Allah, excepté Allah, et donc, il ne faut pas essayer de comprendre leur signification. Donc, eux, ils prétendent que qu'est-ce qu'on ne connaît pas, et qu'est-ce que seul Allah connaît, c'est la signification, et non le commun. Hein? Non le commun seulement, subhanallah. Donc, ils ne distinguent pas, entre le fait de connaître le commun et le fait de connaître la signification. Eux, ils prétendent qu'on ignore la signification aussi. Alors que c'est faux. On a montré que c'est faux. Et quand ils s'arrêtent à Ar-Rasikhuna fil 'ilm, eh bien, ils l'interprètent comme étant le ta'wil que eux considèrent comme étant le fait de justement déformer le sens apparent des attributs. Comme si, par exemple, de dire, par exemple, istiwa, ça ne veut pas dire de monter au-dessus, mais ça veut dire de conquérir, par exemple. Ou bien de dire que la main, ça ne veut pas dire la main, mais ça veut dire le pouvoir, ou la force, ou la grâce, des choses comme ça. Donc ça, c'est ce qu'ils interprètent lorsqu'ils s'arrêtent à « وَلَا يَعْلَمُ تَعْوِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ » Donc quand ils s'arrêtent à « الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ » pour eux, ça veut dire les gens du ta'wil. Donc, soit c'est les gens du tajhil qui s'arrêtent à Allah, ou les gens du ta'wil qui s'arrêtent à Ar-Rasikhuna fil 'ilm. Tandis que pour comment les salafs, eux, l'ont compris ce verset-là, c'est que lorsque on s'arrête à La ya'lamu ta'wilahu illallah, Allah subhanahu wa ta'ala, ce que seul Allah connaît, c'est le kayf, le comment, les attributs. Ou Ar-Rasikhuna fil 'ilm, ce que les Rasikhuna fil 'ilm connaissent, les savants, eh bien, c'est le tafsir, la signification des noms et des attributs d'Allah. Ça, ils le connaissent. Contrairement à ce que prétendent les égarés, les gens de l'égarement. Naam. Ensuite, le Cheikh, il dit aussi, Cheikh Al-Fawzan, il dit, wa maqalatu ha'ula wa qawa'iduhum allati qa'aduha wa amaru bil ruju'i ilayha. هي التي أفسدت العقول وأفسدت الإيمان وعطلت العلم لأن العلم هو العلم بما في القرآن والسنة ولهذا يقول ابن القيم فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن وقال أيضا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو الأم هم أولو العرفان. Donc, le cheikh explique, il dit que les positions de ces gens-là, c'est-à-dire les gens de Kalam, les gens de Bid'a, les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidiya, et ceux qui les ont suivis, comme les Ahbash et autres, ils ont ramené des règles qu'ils ont inventées eux-mêmes. Et ils ont ordonné aux gens de revenir aux règles corrompues qu'ils ont inventées et qui ont corrompu la raison des gens et corrompu la foi des gens, et qui a détruit leur science, complètement annulé leur science. Parce que la science, c'est quoi? La science, c'est pas ces règles philosophiques qu'ils ont inventées. La science, c'est ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Et c'est pour ça que l'imam Ibn Qayyim al-Jawziya a mentionné dans An-Nuniyya, il dit donc, réfléchis sur le Coran si tu désires la guidance, car la science vit en dessous de la réflexion et de la méditation sur l'essence du Coran. Et il dit également, la science, c'est ce que Allah a dit, ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce que disent les sahaba, et ils sont les gens de la science, ce sont eux les gens de la connaissance. وَأَنَّ مَنْ جَعَلَ الرَّسُولَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ غَيْرَ عَالِمٍ بِمَعَانِيَ الْقُرْآنِ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْهِ وَجِبْرِيلُ وَلَا جِبْرِيلُ جَعَلَهُ غَيْرَ عَالِمٍ بِالسَّمْعِيَاتِ لَمْ يَجْعَلِ الْقُرْآنَ هُدًى وَلَا بَيَانًا لِلنَّاسِ. Donc, le Cheikh Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit, que celui qui fait du, qui dit ou qui fait que, qui prétend que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ne connaissait pas la signification de qu'est-ce qui est dans le Coran et de ce qui lui est, et de ce qui lui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui prétend que Jibril alayhi salam ne connaissait pas la signification, il y a des choses de la révélation, mais il considère dans ce cas-là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils n'ont pas considéré le Coran comme étant une guidance pour les hommes, une clarification pour les hommes. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit: فهؤلاء المفوضة الذين سبق الكلام عنهم آنفا الذين يقولون إن الرسل أو إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم والمراد بالسمعيات ما يقابل العقليات وهي الأدلة القرآنية التي وهي الأدلة القرآنية أدلة السمع وهو الوحي وهو الوحي الله سبحانه وتعالى يقول هدى للمتقين في أول السورة ويقول في وسط السورة هدى للناس ويعني هدى للناس عموما وهدى للمتقين هداية التوفيق هداية التوفيق وقبول وهدى للناس دلالة إرشاد وبيان فالقرآن فيه الهدايتان هداية الدلالة والإرشاد وهذا لجميع الناس المؤمن والكافر وهداية التوفيق هداية توفيق وقبول وهذا إنما يكون للمؤمنين خاصة كما قال تعالى هدى للمتقين. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il dit que les Mufawwida, ceux qui prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas la signification des noms et des attributs, il faisait juste les répéter comme ça, celui qui prétend ce genre de choses, eh bien c'est comme s'il disait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, il ignorait la révélation, il ignorait le sens des paroles. Et qu'est-ce qu'on veut dire par as-sam'iyat en arabe? As-sam' ma yuqabilu al-aqliyat. C'est qu'est-ce qui est en opposition avec les choses rationnelles ou les choses qui sont connues par la raison. Donc quand on parle de as-sam', on parle de la révélation en fait. On parle de la révélation divine. Donc les ulama, ils mentionnent souvent as-sam' wal-aql. As-sam' c'est qu'est-ce qu'on entend, hein, qu'est-ce qu'on entend. Et la révélation, elle vient de qu'est-ce qu'on entend, puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a prononcé. Donc on l'appelle as-sama, la révélation, on l'appelle as-sama. Tandis que al-aql, hein, c'est qu'est-ce qui s'oppose à as-sama, dans le sens que c'est quelque chose qui est connu par la raison logiquement. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire par as-sama'iyat? On veut dire les preuves du Coran et les preuves de la révélation. Et donc c'est ça as-sam'. Et le Cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que le Coran, il est une guidance pour les pieux. Ça c'est au début du Coran. Puis au milieu de la sourate, le verset 2, dans le premier, au début du Coran, Allah dit, ou au début de sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est une guidance pour les pieux. Puis au milieu de la surah, le verset 185 dans surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que c'est une guidance pour les hommes. Donc, est-ce qu'il y a une contradiction entre le début et le milieu? Non, puisque la guidance, le Coran, c'est une guidance pour les hommes de façon générale, et c'est une guidance pour les pieux de manière spécifique, puisque la guidance pour les pieux, c'est dans le sens que c'est une guidance qui a reçu le succès et qui de celui qui a accepté la vérité. Donc Allah les a guidés dans le sens qu'il les a fait accepter la vérité et qu'il a été il leur a donné le succès d'être guidés. Tandis que Hudal Linnas, on parle de Hidayatul Irshad, Hidayatul Dilala ou Hidayatul Irshad. C'est-à-dire que ce Coran, c'est une guidance pour les hommes dans le sens que le Coran oriente les hommes. Hein, oriente les hommes et montre aux hommes le droit chemin. Hein? Donc, dans le Coran, il y a deux sortes de guidance. La guidance qu'on appelle guidance de l'orientation et d'indication. Et ça, c'est pour tous les hommes, qu'ils soient croyants ou mécréants. Ils reçoivent tous cette guidance-là de cette façon, c'est-à-dire de leur montrer le droit chemin. Maintenant, la guidance du tawfiq et de l'acceptation, ça c'est une guidance particulière qui n'est que pour les croyants. Et ensuite, on termine donc ce cours d'aujourd'hui avec la dernière partie qui est rapportée dans les commentaires du Cheikh Al-Fawzan dans son livre « Ta'liqat al-Tawdihiyya ala muqaddimat al-Fatwa al-Hamawiyya » Cheikh Al-Fawzan il explique donc le dernier passage de la parole de Cheikh Al-Islam dans son introduction. Il dit ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية وهم قد شاركوا الملاحدة من وجوه متعددة وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. أي نعم. Donc le Cheikh, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit puis ensuite ceux-là ni même les choses, les preuves rationnelles dans cette question-là. Hein, il les renie entièrement. Donc, il considère que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa ummah, dans la question qui a rapport avec la connaissance d'Allah, il considère qu'ils n'ont aucune science, ni rationnelle et ni révélée hein, au sujet d'Allah et de ses noms et de ses attributs. Donc, ils sont donc en accord avec les athées de plusieurs points de vue sur cette question-là. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il va expliquer maintenant qu'est-ce que ça signifie cette parole. Il dit, « حتى العقليات التي يزعمون أن فيها الأدلة ينكرونها أيضا فالقرآن جاءت بالعقليات قل انظروا ماذا في السماوات والأرض هذا دليل عقلي أن تنظر في هذه المخلوقات فتستدل بها على خلقها أو على خالقها وأنه هو المستحق للعبادة فالقرآن فيه أدلة عقلية والقرآن ما ألغى العقل أفلا يتدبرون القرآن التدبر هو العقل هو التعقل. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit même les choses rationnelles, les preuves rationnelles, ils prétendent se référer à la raison, mais même les preuves rationnelles qui sont mentionnées, ils les nient. Les preuves rationnelles qui sont mentionnées dans le Coran, ils les nient. Le Coran est rempli de preuves rationnelles. Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple dans le verset 101 dans Surat Yunus, dit, regardez qu'est-ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Regardez les cieux et la terre, dans les cieux et la terre, qu'est-ce que vous voyez? Ça c'est pour chercher des preuves rationnelles et pour montrer que les cieux et la terre ont un créateur. Donc ça c'est une preuve rationnelle. tu regardes les créatures d'Allah et tu utilises ces créatures comme preuve pour prouver l'existence de, du créateur de ces choses-là. Hein? Qu'Allah est leur créateur et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Donc le Coran renferme et comporte plusieurs preuves rationnelles. Et le Coran n'est pas venu complètement abolir ou complètement annuler la raison, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit afala yatadabbaruna al-Qur'an, n'ont-ils pas réfléchi sur le Coran, n'ont-ils pas médité sur le Coran? Et de réfléchir, hein, de faire at-tadabbur, at-tadabbur, ça comprend le fait de réfléchir, le fait de d'analyser, c'est de comprendre. Ensuite il dit, Cheikh Al-Fawzan, il parle, il dit que à quel point ces gens-là ont ressemblé et ont eu des points en commun avec les athées sur plusieurs points de vue. Cheikh, il dit Al-Mufawwida sharaku al-malahida al-batiniya alladhina yaquluna inna al-Qur'ana laysa 'ala zahirihi wa lahu zahirun wa lahu batin. وهؤلاء يقولون ظاهره إثبات الصفات والأمر ليس كذلك فهو ليس على ظاهره عندهم. انتهى رحمه الله من التقعيد في هذه المقدمة العظيمة وسينتقل إلى ذكر نموذج من أقوال السلف في إثبات الأسماء والصفات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il termine son commentaire en disant que les Mufawwidah ont beaucoup de points en commun et ont été les partenaires des athées parmi les Batiniyah, les ésotériques comme les Ismailiyah et d'autres, qui disent que le Coran a un aspect qui est connu, qui est apparent, et un sens caché. Et eux, ils disent la même chose. Les Mufawwidah, ils disent la même chose. Hein? Ils disent, le sens apparent du Coran, c'est l'affirmation des attributs. Mais en réalité, c'est pas vrai. Faut pas les affirmer. Donc, c'est la même chose que les Batiniyoun. Hein? Ils prétendent, eux aussi, que le Coran n'est pas dans son sens apparent. Et donc, ils sont dans l'égarement à ce sujet-là. Et juste un point aussi en passant par rapport à ça, c'est que, comme les Batiniyoun, eux, la différence, d'un certain point de vue, c'est qu'ils prétendent que tout ce qui est dans le Coran, au complet, sans exception, a un côté caché et un côté apparent. Tandis que les gens de Ta'wil, les gens de Kalam, que ce soit les Jahmiyyah, ou les Mu'tazila, ou les Asha'ira, ou les Maturidiyya, eux, ils se concentrent sur les noms et les attributs d'Allah. Se concentrent, eux, uniquement sur la base de la religion. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont très dangereux. Et les autres, les ésotériques, les Batiniyoun, eux aussi, hein, ils déforment les bases et les principes de la charia aussi. Donc, c'est des gens qui sont très, très dangereux, puisqu'ils divisent la religion de cette façon-là, en qu'est-ce qui est apparent et qu'est-ce qui est caché. Et ils inventent une signification cachée. Hein, ils n'acceptent pas le sens apparent du Coran. Donc il faut faire très attention quand vous entendez des gens qui disent à propos des musulmans salafis ou qui suivent le Coran et la Sunna, ils disent eux sont des littéralistes. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a d'autres musulmans qui ne sont pas littéralistes. C'est qui ceux qui ne sont pas littéralistes? Est-ce qu'il parle des soufis? Est-ce qu'il parle des Batiniyoun? Est-ce qu'il parle des gens de Kalam, les Asha'ira ou les Jahmiyyah ou les Mu'tazila ou les Maturidiyya ou bien ces gens-là? Il faut mentionner de qui il parle et donner des exemples de quelle forme de littéralisme il parle et qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement par littéralisme. Hein, parce que c'est très facile d'utiliser des termes comme ça, mais c'est des termes, comme on dit, c'est des termes mujmal, des termes qui peuvent avoir un sens vrai comme ils peuvent avoir un sens faux. Et s'il ne définissent pas et clarifient pas avec des exemples et avec des preuves claires qu'est-ce qu'ils veulent dire par ce qu'ils disent, ils peuvent y aller facilement faire tomber quelqu'un dans n'importe quoi. Donc ils vont parler avec un musulman hein, pour l'attaquer ou pour le critiquer. Ils disent ah, mais vous êtes des littéralistes. Mais ils expliquent pas qu'est-ce que c'est un littéraliste, qu'est-ce que ça comprend, qu'est-ce que ça comporte, qu'est-ce que ça signifie. Et là, l'autre qui est sur la défensive, comme le musulman qui est sur la défensive, qui sait pas comment argumenter, eh bien, il répond par l'opposition, il répond par la négation automatiquement, comme le font beaucoup de musulmans malheureusement lorsqu'ils sont dans une discussion avec ces gens-là. Ils vont tout de suite dire le contraire. C'est comme par exemple quand les koufars ils disent ah mais vous les musulmans vous dites que un homme peut avoir 4 femmes. Et là t'en entends parmi les musulmans qui disent non c'est pas vrai, l'islam permet, comment ça c'est pas vrai hein? Ou bien dans le sens que du moment que certains sont attaqués ils se défendent en niant automatiquement sans réfléchir. C'est très dangereux hein? Donc si quelqu'un te dit vous êtes des littéralistes, tu dis pas oui et tu dis pas non. Tu demandes qu'est-ce que tu veux dire par littéraliste, qu'est-ce que c'est un littéraliste et qui parmi les musulmans ne sont pas littéralistes. Donne-moi des exemples hein, et après tu vois qu'est-ce qu'il veut dire et tu écoutes ses exemples et tu écoutes ses explications et si tu vois qu'il affirme qu'est-ce qui est vrai, alors tu dis ça c'est vrai. Mais si tu vois qu'il dit ce qui est faux, alors dans ce cas-là tu dis non, ça c'est pas ça, c'est pas vrai, on n'affirme pas ce sens-là. Mais si tu dis qu'on n'est pas littéraliste, ça implique des choses graves hein? Ça implique des choses très graves. Ça veut dire qu'on ne doit pas prendre le sens apparent de ce qui est dans le Coran. Et ça c'est la position des Batiniyoun, c'est la position des gens de Kalal qui nient les attributs et les noms d'Allah. Et les salafs, ils affirmaient le sens apparent de la parole d'Allah. Et c'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, ainsi que les sahaba, et ainsi de suite. Donc il faut faire attention, justement. Et aussi ceux qui disent, par exemple, par rapport aux noms et aux attributs d'Allah, parfois ils disent, on ne prend pas le sens apparent. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par le sens apparent? Ils veulent dire le tashbih. C'est-à-dire, ils veulent dire, ceux qui comprennent de la parole d'Allah que ça signifie une ressemblance entre le Créateur et la créature. Nous, on leur dit, non, c'est pas ça le sens apparent de la parole d'Allah. Le sens apparent de la parole d'Allah, c'est pas le tashbih. Le sens apparent de la parole d'Allah, il est clarifié. Puisque Allah dit, laysa kamithlihi shay'un, wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble, et il est l'audient et le voyant. Donc, il n'y a pas de ressemblance qui est impliquée par le sens apparent de ce qui est dans le Coran au sujet des noms et des attributs d'Allah. Vous mentez. Hein, lorsque vous dites ça. Et c'est la même chose aussi par rapport aux takfiriyin et aux khawarij et aux jihadiyya qui prennent les versets du jihad et qui les interprètent à tort et à travers et qui prétendent que c'est ça le sens apparent de ces versets-là. Il lit un verset qui dit « Lorsque vous voyez les mushrikines, tuez-les. » Donc, eux, ils s'en vont, ils vont mettre une bombe et puis ils vont exploser quelque part puis ils disent « Ça, c'est écrit dans le Coran. Allah, il a dit, tuez-les. » Et ils pensent que c'est ça le sens apparent. Alors qu'on sait très bien que, alhamdoulilah, la façon de Ahl al-Sunnah al-Jama'ah de comprendre le Coran et la Sunnah, c'est de ramener les versets tous ensemble, tous les versets qui parlent d'un sujet, de les mettre ensemble et de les analyser, de les étudier. Les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les explications des salafs. Et ensuite, tu sors avec des règles et des principes. Ce n'est pas de prendre n'importe quel verset comme ça à tort et à travers, essayer de les interpréter de n'importe quelle façon. Parce que si tu fais ça, il n'y a pas de doute que tu vas t'égarer. Hein? Et non. Donc on peut terminer avec l'explication de Cheikh Saleh al-Sheikh ici. Cheikh Saleh al-Sheikh dans son charh, il dit وَتَدَبَّرُوا الْقُرْآنَ جَمِيعًا بِقَوْلِهِ أَفَلَمْ يَتَدَبَّرُوا الْقَوْلَ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ونحو ذلك من الآيات. تدبر القرآن يعني ونحو ذلك من الآيات، تدبر القرآن أو تدبر القرآن جميعا وهو الذي أمرنا به. تدبر القرآن جميعا يجب أن يرد المتشابه إلى منه إلى المحكم، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالكتاب القرآن منه متشابه ومنه محكم، فمن تدبر القرآن كله كما أمر الله عز وجل رد ما تشابه منه إلى المحكم، فخلص من الإشكال. وكل زائغ عن الحق فاته تدبر القرآن جميعا، فإنه قد يتدبر بعضه. الخوارج تدبروا بعض القرآن وتركوا تدبر بعضه، المرجئة كذلك، القدرية كذلك، الأشاعرة، الماتريدية، المعتزلة، الجهمية، جميع الفئات، ضلال الصوفية وهكذا. ولكن أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح رحمهم الله تعالى وأجزل لهم المثوبة، هؤلاء تدبروا القرآن كله، فما تشابه في موضع ردوه إلى المحكمات، فاتضح لهم الشبيه واتضح لهم المعنى، سواء ذلك في باب الأسماء والصفات أو في باب الأحكام أو في باب المغيبات. Donc le Cheikh Saleh Al-Sheikh il rajoute un point ici qui est très intéressant et très important qui, et on va terminer avec ça. Il dit donc qu'on doit méditer sur le Coran en entier. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit n'ont-ils pas médité sur la parole, n'ont-ils pas médité sur le Coran, ou bien y a-t-il un cadenas sur leur cœur, n'ont-ils pas médité sur le Coran? Et s'ils venaient d'autres que d'Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de divergences. Hein? Verset 82, en sourate Nisa. Et ainsi de suite, parmi les différents versets. Donc, de réfléchir sur le Coran, tadabbur al-Qur'an jami'an, huwa alladhi umirna bihi. C'est ça ce qu'on a été ordonné de faire, de méditer sur le Coran au complet. Hein? Et de réfléchir donc sur tout le Coran. Ça implique quoi? Ça implique qu'on ramène qu'est-ce qui est équivoque aux versets qui sont clairs et explicites. S'il y a un verset, quelque chose ou un hadith qui est équivoque, qui peut avoir plusieurs interprétations, on le ramène à qu'est-ce qui est muhkam, c'est-à-dire à qu'est-ce qui est clair et explicite et qui ne peut avoir qu'une seule interprétation. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 7 dans sourate Al-Imran, on a expliqué plusieurs fois, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, il y a en celui-ci des versets qui sont muhkamat, et c'est la base du livre. Et il y a d'autres versets qui sont mutashabihat, c'est-à-dire qui sont équivoques et qui peuvent avoir plusieurs interprétations. Donc le livre c'est le Coran, et dans ce livre il y a des versets qui sont équivoques, et il y en a d'autres qui sont explicites. Hein? Et donc, celui qui réfléchit et qui médite sur le Coran, il médite sur le Coran en entier, comme Allah l'a ordonné. Et il ramène et il renvoie ce qui est équivoque vers ce qui est explicite. Et donc, en faisant ça, tout devient clair. Et il n'y a plus de difficulté à comprendre. Tandis que celui qui a une déviation, qui est dévié de la vérité, eh bien, celui-là, il ne médite pas sur le Coran au complet. Il médite uniquement sur une partie du Coran. Donc, il prend une partie de la vérité, puis il laisse le reste. Comme les Khawarij, ils ont réfléchi ou médité sur une partie de la révélation, et ils ont abandonné l'autre. Les Murji'a, la même chose. Les Qadariya, la même chose. Les Asha'ira, la même chose. Les Maturidiyya, la même chose. Les Mu'tazila, la même chose. Et les Jahmiyya, eux aussi. Tous ces différents groupes de même que les égarés, les soufis égarés, tous ces sectes, toutes ces sectes et ces groupes d'égarements, hein, ont dévié de cette façon-là. Ils ont pris une partie de la révélation, ils ont médité sur une partie, mais ils n'ont pas médité sur l'autre. Hein? Et donc, ils ont uniquement pris qu'est-ce qui est mutashabi. Ils ont laissé qu'est-ce qui est muhkam. Tandis que Ahlus Sunnati wal Jama'a, ceux qui ont suivi les salaf al-salih, qu'Allah leur fasse miséricorde et leur donne la meilleure récompense, eh bien, les gens de la Sunna, eux, ont réfléchi sur le Coran en entier. Et donc, il n'y a rien qui a été, pour eux, ambigu ou équivoque. Puisque chaque fois qu'ils ont trouvé quelque chose d'équivoque, ils l'ont renvoyé au verset clair et explicite. Et ils ont donc ainsi été capables de comprendre clairement le sens des versets équivoques. Et donc, ils ont su la signification complète de ces versets-là. Peu importe que ce soit dans la question des noms et des attributs d'Allah, ou dans les questions qui ont rapport avec les règles de la charia, ou dans les questions de qu'est-ce qui est, hein, des choses qui font partie des choses invisibles, comme le rêve. Donc, tout ça, c'est un exemple de ce que j'ai expliqué par la suite, à la fin. Donc, on va s'arrêter ici, puis on continuera, bi'idhnillah, au prochain cours, inshallah, pour la suite de Al-Hamawiyya. Et vous allez voir que maintenant, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, à partir de cet endroit-là, il commence à donner des citations, des paroles, des salafs dans leur... dans yani, leur livre, qu'est-ce qu'ils ont expliqué pour yani, mentionner la position des salafs vis-à-vis des noms et des attributs d'Allah. Donc, Cheikh al-Islam, il va commencer dans un ordre chronologique, hein, si on veut, presque. Il va citer des paroles des tabi'in, hein, des sahaba, des tabi'in. On a mentionné des versets au début du livre, les versets et les paroles des sahaba. Là, il va mentionner les paroles des tabi'in et des ulama qui ont suivi par la suite, parmi les ulama des salaf qui ont parlé de ces questions-là. Vous allez voir donc, il clarifie la aqida d'Ahl al-Sunnah al-Jama'a au sujet des noms et des attributs, et yani, il les cite un par un, jusqu'à presque avant, un petit peu avant la fin du livre. Donc vous allez, Inch'Allah, pouvoir profiter de ça aussi, parce que c'est très bénéfique de connaître ces paroles des salaf. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.